Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à vous tous, bienvenue à ce journal, la dernière édition de ce 24 novembre 2016. Voici tout de suite les grands titres de ce journal. Le gouvernement du Burundi n'entend pas coopérer avec la commission d'enquête sur le Burundi, nommée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Vous entendrez à ce propos le conseiller en communication à la présidence de la République, Willy Nyamitwe. Mais à l'opposition, l'on estime que le Burundi a intérêt à la recevoir pour éviter que la situation empire. Vous entendrez Tassien Sioman. Et c'est aujourd'hui qu'a eu lieu le procès des présumés auteurs de l'assassinat du lieutenant-général Adolphe Nshimirimana devant le tribunal de grande instance de Ntahangwa dans sa chambre criminelle en itinérance au tribunal de grande instance du Gitega. Mais finalement, les audiences ont eu lieu à la prison centrale de Gitega, nous dit notre correspondant à Gitega. Une autre affaire de justice fixée devant ce tribunal, cette fois-ci à Bujumbura, c'est celle du prévenu dans l'assassinat d'un policier du nom de Mikokoro. Le ministère public a ajouté que ce même prévenu aurait participé à l'assassinat du journaliste et caméraman à la télévision nationale, Christophe Kezabahizi. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonsoir. La mise en place de la nouvelle commission qui va enquêter sur les violations des droits de l'homme au Burundi depuis avril 2015 ne vient pas remettre en cause le rapport de la première commission contesté par le gouvernement burundais. C'est la réaction de Tassien Sibomana du parti Uprona non reconnu par le ministère de l'Intérieur. Il est opposant. Il juge salutaire la décision du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme qui met en place cette nouvelle commission. Tassien Sibomana conseille au gouvernement burundais de ne pas refuser cette nouvelle commission, ce qui pourrait empirer la situation du pays, surtout vis-à-vis de sa participation dans le concert des nations. Suivez Tassien Sibomana. Le premier, c'est que si jamais les autorités burundaises ne veulent pas montrer à l'opinion qu'elles s'accusent de quelque chose, la meilleure façon de dissiper tout soupçon, c'est d'accepter que cette commission puisse venir enquêter, afin que réellement, si ce sont des mensonges qui ont été véhiculés à travers le rapport adopté le 30 septembre 2016, que les autorités burundaises puissent démontrer à suffisance que ce n'était que des racontars. Le deuxième clin d'œil que je fais aux autorités, c'est que, de toutes les manières, ces violations ont été commises et continuent à l'être même aujourd'hui. La conséquence de tout cela, c'est l'isolement du pays, c'est le gel de la coopération, qui, en conséquence, vont avec un corollaire de malheur, notamment la dépréciation monétaire, la rareté des devises et par voie de conséquence, la pauvreté de la population de façon générale. Et pour pallier à tout cela, si là, et moi je l'assume, parce que les violations, comme je le disais, ont été commises, faut-il sacrifier tout le pays et tout le peuple burundais au profit de quelques personnes qui peuvent être responsables de ces violations? Et encore une fois, la réponse pour moi et pour toute personne raisonnable, c'est négative. Un autre clin d'œil que je voulais faire aux autorités burundaises, elles aiment dire que c'est un rapport concocté sur manipulation de l'opposition, de la société civile, bref, peu importe. Mais de toute manière, dans les missions confiées à ces commissaires, il n'est stipulé nulle part qu'ils viendront enquêter sur les agents de l'État uniquement ou sur les membres du CNDD-FDD uniquement. Donc, encore une fois, c'est une façon de tomber dans le piège de l'autoculpabilisation, si du moins ils ne s'accusent de rien. Tassien Sibomana. Et selon Willy Nyamitwe, chargé de la communication à la présidence de la République, cette commission n'est pas recevable sur le territoire national. Il explique que cette commission a été mise sur pied en violation de la loi. On l'écoute, il a été joint au téléphone par Evariste Nzikobanyanga. D'abord, vous savez que c'est une commission qui a été mise sur pied sur base d'une résolution du Conseil des droits de l'homme qui a été rejetée et par le fond et par la forme par le gouvernement du Burundi, parce que c'est une résolution qui a pris comme racine, comme source, un rapport d'experts des Nations Unies, mais un un rapport qui était biaisé et dont les conclusions ont été rejetées par la République du Burundi. Donc cette nouvelle commission n'est pas la bienvenue au Burundi. En conclusion, la position du gouvernement du Burundi reste la même, c'est que cette commission qui a été mise en place n'engage pas le Burundi, mais engage ceux et ceux-là même qui l'ont mise sur pied. La position que vous prenez aujourd'hui n'aura pas de conséquences sur le pays. Les seules conséquences néfastes seraient que le gouvernement viole la constitution de la République du Burundi, ce serait que le gouvernement se désengage dans la lutte contre des malfaiteurs qui voudraient replonger le pays dans les affres de la guerre. La seule inquiétude serait que le gouvernement lâche prise. Et ça n'a pas de conséquences néfastes, d'autant plus que le gouvernement reste engagé à protéger la nation et les citoyens contre toute interférence et contre toute violation de sa souveraineté. Voilà, c'était Willy Inyamitwe. Notons que ces trois membres de cette commission sont l'Algérien Fatsa Ougergouz, qui assumera les fonctions de président, le Béninois Reina Alapini-Gansou et Françoise Hampson du Royaume-Uni. Fatsa Ougergouz a occupé le poste d'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Burundi, nommé par le Conseil des droits de l'homme de 2010 à 2011. Reina Alapini-Gansou est actuellement rapporteuse spéciale sur les droits de l'homme de l'Union africaine depuis 2012. Et Françoise Hampson est professeure de droit international des conflits armés et des droits de l'homme. Elle a été experte indépendante au sein de la sous-commission des Nations Unies pour la promotion et la protection des droits de l'homme de 1998 à 2007. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Comparution ce jeudi devant le tribunal de grande instance de Nahangwa du prévenu dans l'affaire de l'assassinat d'un policier connu sous le nom de Mikokoro, tué le 13 octobre de l'année passée au quartier 3 de Ngagara. Dès le début de l'audience, le ministère public a ajouté parmi les accusations celle pour laquelle le prévenu aurait participé dans l'assassinat du journaliste Christophe Nkezabahizi et sa famille tuée le même jour. Le procès a été mis en délibéré. Voici le compte rendu d'Alain Désiré Boukayenet. Dès le début de l'audience et après les accusations du ministère public à l'encontre du prévenu, des discussions sont apparues entre les avocats et le ministère public. En plus des accusations par lesquelles le prévenu aurait assassiné le policier Mikokoro de l'unité spéciale de protection des institutions API et la participation dans des bandes ayant pour but de renverser les institutions, le ministère public accuse le prévenu d'avoir participé dans l'assassinat du journaliste Christophe Nkezabahizi ainsi que sa famille. Les avocats ont fait savoir que cette dernière accusation ne figurait pas dans le chef d'accusation, ce que le siège accepte pouvoir tenir en compte. Le ministère public admet qu'il n'y avait pas d'affaire spécifique devant le tribunal à l'assassinat du journaliste et évoque un lien de connexité avec l'affaire de l'assassinat du policier. Après de longues discussions, le siège a décidé que l'audience continue. Le prévenu rejette les accusations par lesquelles il aurait, avec un groupe, arrêté et séquestré trois policiers avant de les fusiller par balle, ce qui a emporté sur le champ, selon le ministère public, un policier connu sous le nom de Mikokoro. Le ministère public donne comme preuve un policier du nom d'Omer qui dit avoir rescapé dans cette embuscade. Ce policier dit avoir reconnu son prévenu lorsqu'il y passait devant le siège de l'API. C'est ce témoin qui l'a arrêté et qui, pour l'audience de ce jeudi, témoignait contre le prévenu. Certes, Omer, témoin du ministère public, admet n'avoir pas vu aucune arme de la part du prévenu. Demandé par le tribunal de donner les preuves sur les accusations tantôt de l'assassinat du policier et du journaliste Nkezabahizi, du but de renverser les institutions, le ministère public donne comme preuve que c'est connu de la notoriété publique que l'intention de renverser les institutions était là et que le policier et Nkezabahizi ont été assassinés. Les avocats du prévenu s'inscrivent en fond contre cette preuve et demandent au tribunal de libérer leur prévenu. Le ministère public a requis une peine de servitude pénale à perpétuité au prévenu, alors que ce dernier demande d'être libéré immédiatement. L'affaire a été mise en délibéré. La prononcée du jugement interviendra dans un mois. Merci Alain Désiré pour ce compte rendu d'audience. Et le procès des présumés auteurs de l'assassinat du lieutenant-général Adolphe Nshimirimana a été remis au parquet de Nahangwa, en mairie de Bujumbura, pour des compléments d'enquête par le tribunal de grande instance de Nahangwa dans sa chambre criminelle. Les magistrats de ce parquet siègent en itinérance depuis ce jeudi dans l'un des bureaux de la prison centrale de Gitega où sont incarcérés les prévenus dans cette affaire. De Gitega, voici les précisions de notre correspondant Arthur Kavavouchi. Ce procès des présumés auteurs de l'assassinat du lieutenant-général Adolphe Nshimirimana a connu 3 audiences publiques devant le tribunal de grande instance Nahangwa dans sa section criminelle où le 11 octobre 2016, l'affaire avait été mise en délibéré afin de rendre le verdict 30 jours après. La défense avait demandé l'acquittement pour les prévenus. Selon les avocats de la défense, ils ont été mis au courant ce mardi que le tribunal de grande instance de Nahangwa avait demandé qu'il y ait des compléments d'enquête à partir de ce jeudi. Les deux avocats indiquent qu'ils n'ont pas eu d'explication. Ces compléments d'enquête ont alors commencé l'après-midi de ce jeudi à l'un des bureaux de la prison centrale de Gitega et sont en train d'être faits par le parquet de Nahangwa et chaque prévenu est écouté seul en compagnie des deux avocats. Dans ce procès, il est poursuivi 5 militaires et 3 policiers et jusqu'à 16h de ce jeudi, 2 prévenus avaient été écoutés. Il est prévu que les interrogatoires vont se poursuivre ce vendredi matin. Arthur Kavavouchi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur. La suite de ce journal. L'éthique devrait caractériser les étudiants de l'ISCAM en cette période de crise au Burundi. Et cela a été dit par Gaston Sindimwo, premier vice-président de la République, au cours d'une causerie morale à l'endroit des candidats officiers ce jeudi. À l'inquiétude exprimée par ces derniers, si le recensement en cours dans les institutions publiques affectera ce corps, le premier vice-président de la République a répondu que ce recensement vient faire un équilibre entre les ethnies pour répondre aux exigences des accords d'Arusha. Suivi Gaston Sindimwo. Tuje gusubiramwo kwibutsa politique sico muberenga. Nous sommes venus pour vous rappeler qu'ici c'est un lieu à politique. Vous êtes des étudiants, c'est la mission prioritaire que le pays vous a confiée. Cette institution devrait être régie par des lois parce qu'elle a modèle aux autres. Le ministre de la Défense et celle de l'Éducation sont en train de tout faire pour que cela rentre dans l'ordre. Le recensement qui a été récemment fait a montré le déséquilibre au sein du corps de défense. Nous allons aujourd'hui nous conformer aux exigences des accords d'Arusha pour avoir cet équilibre. Nous allons recruter un nombre inférieur de Hutus. Je vous garantis que nous n'aurons jamais un équilibre exact parce qu'il peut y avoir d'autres facteurs pour déséquilibrer notre travail. Pour vérifier que ces quotas sont respectés, qu'est-ce qu'on va faire? Et la mission du Sénat, c'est celle-là, de veiller aux équilibres ethniques. Il faut faire un recensement pour savoir là où se trouve un déséquilibre. Gaston Sindimwo, c'est le premier vice-président de la République. Et c'est dans l'après-midi de ce jeudi que le nouvel ombudsman burundais, Edouard Nduwimana, a fait la remise de reprise avec son prédécesseur, Mohamed Rukara, qui lui a présenté le bilan de ses réalisations et qui lui a remis les dossiers en cours. Ainsi, le nouvel ombudsman a promis de poursuivre les dossiers en cours laissés par son prédécesseur, notamment sur un rapport avec les conflits fonciers. Il a également indiqué qu'il va rassembler tous les Burundais, notamment faire en sorte que les politiciens non poursuivis par la justice rentrent au pays et aider dans la consolidation de la démocratie et le respect des droits de l'homme. Suivez le nouvel ombudsman burundais, honorable Edouard Nduwimana. Nous sommes dans un contexte assez particulier où nous devons apporter notre contribution d'abord pour rassembler le peuple burundais, mais aussi pour ramener nos frères et sœurs qui ont fui le pays suite aux perturbations politiques qui ont secoué le Burundi en 2015, lors des élections 2015. Notre institution va contribuer pour que les Burundais qui ont fui le pays puissent revenir, les citoyens simples, mais aussi les politiciens qui ont fui le Burundi. Je pense que tous les politiciens qui ne sont pas poursuivis par des dossiers judiciaires devraient rentrer au Burundi pour se préparer pour les élections 2020. Surtout qu'aujourd'hui, on a entamé un dialogue inter-burundais et un dialogue qui est appuyé par notre sous-région. Une autre priorité, bien évidemment, je crois que c'est de coopérer avec toutes les institutions intervenant en matière de droits de l'homme. Comme vous le savez, elles sont assez nombreuses. Il y a la Commission nationale des droits de l'homme, il y a la Commission vérité et réconciliation, il y a la Commission nationale de dialogue inter-burundais. Il y a d'autres institutions qui interviennent en matière de droits de l'homme, mais aussi qui interviennent en matière de bonne gouvernance. Nous allons essayer de coopérer avec toutes ces institutions pour renforcer le respect des droits de l'homme, parce que la mission de l'Ombudsman, c'est aussi d'offrir des enquêtes sur les faits de gestion en matière de violation des droits de l'homme. Donc nous allons coopérer avec toutes ces autres institutions pour que on puisse voir autant que faire se peut pour que les droits de l'homme soient respectés dans notre pays. Enfin, je vais peut-être demander l'appui de tout le monde, l'appui des journalistes, l'appui des confessions religieuses, l'appui des partis politiques, l'appui de la société civile pour qu'ensemble nous puissions cheminer vers un rassemblement du peuple burundais, vers une réconciliation du peuple burundais. Je vais me résumer en disant que je vais être un recours pour les citoyens, mais aussi un conseiller pour les institutions. Voilà, c'était l'honorable Edouard Nduwimana, le nouvel ombudsman burundais. Certains sénateurs ont des inquiétudes sur le décaissement des 500 millions de francs burundais alloués aux communes. Ils ont exprimé ces craintes ce mercredi lors des questions orales adressées à la ministre burundaise du Développement communal, alors qu'elle présentait le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de la Charte africaine sur les valeurs et les principes de la décentralisation. Jeanne d'Arc Kagayo a expliqué que les projets des communes ont été élaborés de façon à ne pas aller au-delà du 10 décembre. Yves Ronziman. Parmi les questions adressées au ministre du Développement communal, les sénateurs ont évoqué la question des 500 millions alloués aux communes et la question de savoir l'intérêt que ce projet de loi va apporter au Burundi, vu que nous avons des instruments et textes juridiques établissant la décentralisation effective des communes du Burundi, notamment le transfert des compétences financières et des ressources humaines, comme l'indique cette sénatrice. Les 500 millions ont été attribués aux communes, mais cela ne facilite pas les communes à exercer les compétences parce que cela passe à travers le FONI. Quel intérêt va apporter cette ratification vu que nous avons des instruments juridiques réglementant le processus de décentralisation pour que les choses se passent bien? Du côté du président du Sénat, Révérien Dikuriyo indique qu'il y a du désordre dans le processus de décentralisation. Pour lui, la décentralisation se trouve dans le texte seulement et propose des voies de solution pour remédier à cette question. Nous voyons qu'il y a beaucoup de résistance, nous ne savons pas pourquoi. Les uns veulent avancer et les autres ne le veulent pas. Réellement, il faut d'abord savoir ce qui empêche le processus de décentralisation. L'Assemblée nationale a adopté les 500 millions. On attend l'aboutissement de ce processus, mais en vain. Où se trouve exactement le problème? Il y a donc un blocage entre le FONIC et l'État. Il y a du désordre dans le processus de décentralisation. Ça se dit dans les textes seulement, mais l'exécution est autre. Si le gouvernement a alloué une telle somme d'argent, il faut le respecter. Donc pour nous, la décentralisation est nécessaire, mais il faut enlever ces résistances. Quant à la ministre du Développement communal, des mesures ont été prises dans le but de revoir à la hausse la somme allouée aux communes en passant de 50 millions à 500 millions. Jeanne d'Arc Kagayo indique que l'exécution de ces 500 millions ne va pas dépasser le 10 décembre de cette année. Le ministère du Développement communal a tout fait. Nous avons effectué un travail qui n'est pas facile. Passer de 50 millions à 500 millions, c'est fois 10. Et nous avons donc appelé les autorités de régulation, des marchés publics, ainsi que tous les administrateurs des communes, afin de s'entendre sur les projets à réaliser par les 500 millions, pour que ces derniers se terminent dans un délai ne dépassant pas le 10 décembre de cette année. Ce projet de loi portant ratification par la République du Burundi de la Charte africaine sur les valeurs et les principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local a été adoptée. Merci Yves Ngonziman. Quelques nouvelles brèves, ce sera pour boucler ce journal. Deux morts et des blessés, c'est le bilan de trois accidents de roulage des véhicules de la police dans ces trois derniers jours, comme l'a reconnu le commandant de la police spéciale de roulage, le commissaire Alfred Innocent Mousseremo, qui a nié cependant que ces accidents sont causés par l'excès de vitesse dans certains véhicules de la police. Et cette réaction est intervenue après un autre accident de véhicule pick-up de la police avec un bus de l'Otraco au centre-ville ce matin. Ouverture officielle de la radio Numbero FM ce jeudi dans les enceintes de la Maison de la Presse en mairie de Bujumbura. À cette occasion, le directeur de cette radio, Aimable Ndouaïzou, a indiqué que la radio va travailler sur le développement intégral de l'homme en général et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en particulier. Et les étudiants de Bac 3 à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines à l'Université du Burundi ont fait un sit-in ce matin devant le rectorat pour réclamer leur bourse du mois de novembre. Et certains disent qu'il y en a qui l'ont perçu alors que d'autres ne l'ont pas encore eu. Anatole Nzinahora, directeur de la régie des œuvres universitaires, a indiqué qu'ils ont reçu la liste des boursiers tardivement et demande à ces étudiants de patienter. Et un des parents qui ont des élèves au lycée technique Saint-Luc, situé dans la zone urbaine d'Ongagara, estime que la direction de cette école ne devrait pas voir à la hausse le Minerval sans avoir avisé les parents d'élèves. Nagijima Nastani a souligné que cela n'a pas été bien pensé de la part de la direction. Il a plutôt parlé d'un problème de dialogue entre les organes. Et la direction de cette école a sorti un communiqué ce mercredi dans lequel elle a appelé les élèves à regagner l'école car la mesure d'augmenter le Minerval de 200 000 francs burundais a été provisoirement suspendue. L'on vous rappelle que ces élèves du lycée Saint-Luc en Gagara ont arrêté les cours depuis lundi de cette semaine. Enfin, deux personnes, dont un policier et un agent de la régie des eaux de Karouzi, ont été arrêtées le matin de ce jeudi par la police. Le policier est accusé d'avoir perdu son fusil de service et l'agent de la régie des eaux a été surpris en possession de son fusil lorsqu'il se rendait au service à bord d'une moto. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouaïo pour la mise en onde. De micro, Jean Bosco Ndouimana. Une très bonne soirée. Ne tournez pas le bouton. Nos programmes continuent.